Bonjour madame, je voudrais réserver un taxi pour demain matin, s'il vous plaît. Oui monsieur, quel est votre numéro de téléphone? 0607 0809 00. À quelle adresse et à quel nom? Monsieur Fromentin, 77 rue du Moulin. À quelle heure? À 6h30. Vous réglerez comment? Par carte bancaire. Très bien. Votre numéro de réservation est le 290.